est à Nice et ma fille, elle habite à Paris. Voilà. Pas de petits-enfants encore. J'ai commencé beaucoup plus tôt que Sylvain. Et alors, est-ce que Sylvain, il a des cousins? Toi, tu as jamais eu d'enfant? Pas parce que vous dites. Tu as eu des enfants dans ta vie? Qui? Toi? Non. Non, jamais. Mes frères et sœurs, on avait pour moi. C'est sûr qu'avec tout ce qu'a fait grand-mère Jeanne. J'avais 20 neveux et nièces. 20 neveux et nièces. Donc toi, t'avais 9 autres cousins de l'autre côté, donc. Oui. Vous étiez 3 alors avec Jeanne? Marthe, il y avait Marthe. Vous étiez trois enfants, trois filles et Chez nous? plus. Oui, Oui, la famille et deux jouait. garçons. 5 filles et un garçon. 5 filles et un garçon. 5 filles et un garçon. Et donc, tu avais 20 neveux et nièces. 29 et nièce, j'avais. 3 fois 3 et 12 Et oui, chez les oui c'est ça. Les parents jouaient, ils étaient où? À Laval. Mes parents? Oui. Les grands-parents? Oui, mes arrière-grands-parents, du coup. Mais ils étaient à Laval. À Laval. Ça se situe où, Laval? En Mayenne, monsieur. Laval, la Mayenne. Personne ne connaît ça. Pas moi, en tout Encore cas. un Ça, vous êtes truc tranquille. sauvage. On est C'est tranquille à entre Laval. la Bretagne, la Normandie et la Touraine. Mais oui, c'est très joli, C'est un très petit. joli C'est terroir. au-dessus de la Vendée, du coup? Bah oui, un Plus peu. haut que la Vendée? Mais plus On est est, plus au-dessus. est vers l'est, Par rapport à la Bretagne, nord-est. on est un peu au-dessus de la Bretagne avant Paris. Nord-est. On était entre le Paris-Brest. Entre le Paris-Brest, d'accord, au milieu. D'après les. Oui. Laval, peut-être j'y suis allé Mais déjà. oui. Mais oui, c'est un gros, une grosse ville quand même. Laval. Et oui. Il y a une gare. Laval, encore les gens arrivent C'est à très beau cerner. Laval, il Mais faudra la qu'on Mayenne, visite personne ne aussi avec connaît. toi. La Mayenne, On personne va ne connaît. visiter. Sur la côte Si. bretonne, il y a un site avec Ça, c'est sûr. un sculpteur qui a sculpté la falaise avec À Paimpol. Paimpol, ouais. Oui. Tu connais ce site? Paimpol, tu connais la falaise de Paimpol? Il y avait une chanson comme ça. Oui, ça, c'est la J'aime Bretagne. Paimpol et la Oui, c'est au-dessus falaise. Nous, c'est tout Et plat. surtout la Paimpolaise qui m'attend au pays breton. On est un peu breton de caractère, je pense. Oui. Et tu arrives à Toulouse en quelle année? En quelle année tu arrives à Toulouse? L'année, Je tu suis arrivée à Toulouse en Oui, 40. 40. 40. En 40. 40. 1940. C'était En pendant la guerre. 1940. Ouais. Et guerre. Pendant la guerre, c'était comment Toulouse? Ça vous a gêné, la guerre? Ça n'a pas été tellement. Vif, ouais, pas Ça n'a pas tellement été ici. meurtrier. Non, pas Parce qu'à ici. Toulouse, il y a l'occupation quand même. Il y avait des Allemands. Il y avait des Allemands sur le territoire Oui, occitan, oui. mais ça n'a pas été, ça n'a pas été terrible. On n'a pas été tellement touché. Non. Moi, quand je voyais, je changeais de choses. Moi, j'en ai pas souffert. Hein. Et vous étiez à Laval alors à ce moment-là? Non, À la en guerre, 40. Toulouse. Ouais, mais En 40, elle arrive à parce que Toulouse. quand, En 40, quand j'étais arrivée parce ici, que maman, Louise. elle racontait, tu sais, qu'elle disait aux Allemands, Drei, Käse, Mais or. elle était à Laval. Oui, c'est ça. Elle était restée à Laval. Mais laquelle guerre vous Jeanne. parlez? Non, La Jeanne en deuxième, 40, la elle est deuxième. où? La 40. Oui. Ah oui, parce Mais qu'elle a oui, la vécu les première. deux. Et là, Et puis pas beaucoup. Oui. notre famille n'a Toi, pas été touchée. t'es de 15 ou de 14? De 1914, ta Moi, je suis née naissance? en 13. C'est quoi ta 13. date d'anniversaire, hein? 13. Elle a vécu les Je deux suis guerres. allée en décembre 13 Ah, et la décembre guerre 13. était déjà déclarée. Voilà. Le combien, du coup? Décembre 13. J'étais la quatrième et mon père était déjà au front. Oui. Décembre 1913. Oui. Waouh. Ouf. Donc, ouais, toute la première guerre, Et là, jusqu'à il a 4 fallu que ans. maman travaille, bien entendu. Jusqu'à Comme elle 50, avait t'es son sorti de la certificat première guerre. d'études, elle est rentrée comme fonctionnaire dans un bureau militaire. Elle y est restée, elle a fait sa carrière d'ailleurs. Vous avez déjà une mère qui travaille, votre génération. Oui. Votre mère, elle était avant-gardiste, elle a travaillé. Mais Oui. ce n'était pas un femme au Et il foyer. fallait bien, hein? Il fallait amener de l'argent pour la soupe. Puis dans notre famille, les femmes ont toujours pris les rênes, vous savez. Ah j'en oui. étais un peu comme c'est ça. C'est pour hein. ça que je trouve que des dominantes. Eh bien, c'est normal. Eh bien. C'est normal. Tu vois, c'est normal. Que les femmes prennent le dessus. Mais oui. Je suis d'accord. Quand Germaine était seule avec deux enfants, il fallait bien qu'elle prenne les rênes. Hein. Mais oui. Tante Marthe, elle avait un commerce et un mari russe. Ah oui, à Bafour ? Qui, non. Qui parlait pas français. Et comme il tenait un commerce, il fallait bien que ce soit elle qui... Qui tienne la caisse. Et comment il s'appelle, son mari ? Le mari de qui ? Ben, de, le russe, Tante Marthe ? Hein. Oui. Troutneuf. Troutneuf. Troutneuf. Troutneuf, voilà. Avec deux F. Et elle l'avait trouvé où ? Comment elles se sont rencontrées ? Elle l'avait trouvé où, son Troutneuf ? Ah oui. Il ouais. était bottier. Bottier. Oh. Et cordonnier en même temps. Bah cordonnier, oui, hein. bottier. Bon donc le travail du cuir déjà aussi. Mm. Le travail du cuir déjà dans la famille. Mm. Ah oui. Tu m'as pas entendu. C'est des artisans. Il a un accent, je comprends pas. Le travail du cuir déjà. Donc, tu travailles le moi, cuir. Moi, je le travaille un peu, mais je dis que dans la famille, on travaille le cuir depuis longtemps. Du coup, avec des gens avec qui se rattachent, qui ont des savoirs techniques spécifiques au cuir aussi. Il y avait d'autres artisanats. Ton papa, il faisait la poste, il était à la poste. Et, mais après, il y avait d'autres artisans. D'autres artisans dans ta famille, qu'est-ce que c'était le métier des autres enfants ? Il y avait mon oncle. Oui. Qui faisait quoi, lui ? La famille des... Et des ferronniers. Mon oncle, il était instituteur. Ah, il y avait un oui. horloger. Ah non, c'était chez papa. Oscar. Ça. Oscar, mon l'horloger. Oncle Oscar. Horloger. Il était instituteur. Ouais. Ma tante Germaine était institutrice. D'accord. Déjà enseignant, oui. La femme de mon oncle Oscar était institutrice. Et la femme de mon oncle, de ma tante Germaine, elle était institutrice, son mari l'était, mais elle a divorcé très jeune. D'accord. C'était aussitôt qu'ils ont pu sortir de faire des études, ils étaient instituteurs. Il y avait ma tante et Marie. Françoise Hervoas. Ma nièce Françoise. Alors, dis-nous son parcours avant d'être au restaurant. Oui, j'avais été pour les aider à faire le service. Elle est morte il y a 3 ou 4 ans. Ah, ouais. J'ai eu beaucoup de chagrin, je l'ai beaucoup. Oh, bah beaucoup. Oui, Françoise, ouais. Alors, elle son est morte parcours. Très vite. Hein. Elle était jolie. Elle était, oui, elle était très, très, très jolie fille. Et le restaurant, il est resté là-bas ? Ils avaient fait faillite. Ah, ils avaient déjà vendu. Ça ne lui convenait pas. Non. Chaque métier ne convient pas. À tout le monde. Il faut faire un métier qui vous convienne pour être heureux. Ben oui. Il faudrait avec ta tante. Vous êtes très gentille, madame. Coucou, le petit oiseau va sortir. Merci. Ça me plaît. Vous êtes le... Vous êtes la personne la plus âgée que je n'ai jamais vue de ma vie entière. Regardez la mienne. Je peux même tousser. Quand on me présente, on me présente comme une... Une doyenne. Hein. Ah, oui, oui. Comme une vestige de cirque. Un dinosaure. Vestige historique. Une petite poule. Il y a des personnes ici... Qui ont 100 ans. Qui ont plus de 100 ans aussi avec vous. Non, je suis la doyenne, moi. Après, il y en a qui ont 102. Mm-hmm. Ah oui, quand même. 102, 100 ans. Mais il n'y a pas beaucoup. Et vous savez si vous êtes aussi la doyenne dans la région ? Les gens sont très malades, là. Et dans le c'est dans une Colombie. Fin de vie, ici. Oui. Mm. C'est la plus âgée de Colombier. C'est une maison de fin de vie. Mm. Eh, tu es la plus âgée de Colombier. Oui, oui. De Toulouse, même s'il faut. Non, mais je crois que le propriétaire de la maison où je vis, il a 105 ans. Ah. Ouais, tu vois, ouais. Ah, mais je ne le connais pas. Je vis dans une maison magnifique et il paraît que le propriétaire, que je ne connais pas, il a 105 ans. Et c'est une maison donc à pâte d'oie. Comment il s'appelle déjà ? Je ne sais pas. Parle un peu doucement peut-être. De qui vous parlez ? Et je ne le connais pas. Le propriétaire de sa maison. De là où je vis. Elle a, il, monsieur, il a 105 ans. Donc, Jordi, il a pensé que... Peut-être vous vous connaissez. Peut-être vous voudriez vous connaître, Marie, avec ce monsieur-là. Ça fait 104 ou 105 ans. Ben, c'est bien, elle est d'accord. Je suis peut-être un peu âgée, je ne sais pas. Ah, oui. Allez. Mais ça suffit. Je voudrais bien que ça finisse. Oui. Tu as plus on beaucoup a plus d'agréments, vous savez. Ah oui, moins de bon, ça peut revenir. C'est ce qu'il a dit Pierre, même Pierre, il était en bonne forme, souriant, mais il a dit quand même qu'il y a des jours que c'est long. Hein. Bah, oui, oui. Pierre, son père, il a dit la même chose que avec une, qu'on voit avec un sourire, mais il m'a dit que c'est long. Bah, oui. Il lui est resté des amis à Pierre, à ton père. Mais oui, il y a, comment il s'appelle, Madame De Breuil. De Breuil. Ça te dit quelque chose? Moi, je ne connaissais pas. De Fousset, de Fousset. Moi, j'y allais, c'était pour les fêtes. Oui. Ou, oui. Les gens de Chassenon, peut-être. Chassenon, ça te dit quelque chose? Le château, là, où ils avaient des écuries, des chevaux, des chiens de chasse. Ta maman a eu une triste fin, qu'elle ne méritait pas. Hein. Ben oui. Ça a été quand même très soudain, le départ de Jeanne. Ben un an. Tu te rappelles de ta grand-mère? Oui, je m'en rappelle très bien. Mais par rapport au décès de mon autre grand-mère, qui a mis vraiment 2 ans à partir avec des marques, elle a eu un cancer, mon autre grand-mère, où elle a l'œil qui est sorti du visage, elle avait l'équivalent d'une balle de handball sur le visage. Et ce départ était très chaotique, alors que le départ de Jeanne était quand même beaucoup plus posé. Même si elle n'a pas voulu laisser son corps, et que je pense que ça a été dur pour pas mal de gens de la famille, de ne pas avoir de lieu de recueillement, avec son gisement, mais elle a quand même fait un départ dans sa conception des choses et sa transmission à Jeanne, elle est quand même très précise, elle sait ce qu'elle voulait, c'est une femme qui a toujours su dominer mener sa conscience barque, quoi. Et mener la barque. Oh, mais elle était plaisante aussi. Hein. Ah, mais je pense qu'elle savait rigoler, hein. Si elle a su faire une fratrie comme la tienne, on n'est quand même pas des ennuyants. Hein. Ah oui, tu m'emmenais, je me rappelle quand j'étais plus petit, tu m'emmenais au grand rond, là, au grand cercle, à la place de la Révolution, non, ça s'appelle le parc, le jardin des plantes. Après le monument. À Laval ? Oui, non, ouais. Ici, à Toulouse. Quand je restais quelques jours chez toi, on allait voir l'ours, le loup, le, je sais pas quoi, les renards. En sculpture, ils y sont? Non, ils étaient dans des cages à ce moment-là. Des singes aussi. Il y avait des singes au jardin des plantes. Ah, le jardin des plantes. Il y a longtemps, oui. Un singe. Un singe et un loup. Voilà. Et un ours, non? Un loup. Et un ours aussi, je crois. Oui, un ours, je crois bien. Oui, je crois bien, oui. C'était au jardin des plantes? Non, sur le grand rond. Le grand rond. Au grand rond, il y avait un ours, un loup et... Ouais. Le grand rond, oui. Ouais. Et des paons, il y avait des paons, il y avait des oiseaux aussi en volière. Oh, c'était pas ça. Non. Si, je pense. Ou alors, je confonds avec Nantes, mais c'est un peu comme ça. C'était un peu comme ça. Ils les avaient retirés d'ailleurs parce qu'ils étaient malheureux. Mais les paons, ils sont dans les arbres. Petites. Hein. Mmh. Si, ils sont bien. Ça les rendait fous. Ouais. Bien sûr. Au jardin des plantes, il y a quelques animaux de basse-cour en liberté, notamment des poules. Mais ça se promène juste. C'est bien. Au lieu où je vis, j'ai pris une pintade il n'y a pas longtemps. Enfin, j'ai pris un couple de pintades au marché, j'en ai fait une. Et l'autre, on l'a appelé Diogène. Et hier matin, on cherchait une pintade pour lui tenir compagnie. On ne l'a pas trouvée. Non. C'était mais il est à plus bas, c'est réussi, il est tout seul. Hier. Oui, oui, il est doux. Il était à côté, il venait, il s'est fait comme ça. C'était tranquille, oui. Ça, mais si tu essaies vivement, il est rassuré et que tu t'approches de lui, il n'y a pas de raison. Si jamais il a une raison d'avoir peur des humains et qu'il n'y a pas une posture qui va le réassurer derrière, c'est compliqué. Oui, parce qu'on était avec les chiens tranquilles. Tu n'as pas beaucoup connu, toi, les enfants de mon frère. C'est des filles, hein. Non, comment elles s'appellent les dents? Les filles. Oui. Attends, je vais en faire. Bon exercice. C'est les filles de qui? Ton frère, c'est Louis. Trois filles. Comment il s'appelle ton frère? Louis. Donc, Louis, c'est, et lui, et qui c'est qui filles. S'appelle Abafour? Qui c'est les Abafour? Abafour, c'est maman. C'est maman. L'arrière-grand-mère. Toutes les filles Abafour. Ouais. Mais toutes les... Et son prénom à ta maman? À maman, Florence. Ouais. Florence, ah voilà. Ah, bon, Florence, oui, oui, Florence est revenue. Cette génération de Florence. Ah ouais. Et oui. Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, maman, ma sœur aînée, une de ses filles, une petite fille et une nièce. Excellent. Cette génération. C'est beau ça. Quand elles se retrouvent, elles savent comment s'appeler, elles, parce que pas d'oubli. Donc à Bafour. Il y avait beaucoup plus de filles que de garçons chez nous. Alors le papa, le grand-père à Bafour, il avait des enfants aussi, j'imagine. Eh bien c'est eux. Il y avait des garçons. C'est mes oncles et tantes. Mais il y avait des garçons. Mais il n'avait qu'un garçon. Ah, il y en avait un. L'oncle Oscar. Oscar, voilà. Oscar à Bafour. C'était des filles. Et lui, il n'a pas fait de garçon. Lui, il a eu un garçon aussi, Oscar. Qui? Oscar, il a eu des enfants. Oui. Et plusieurs garçons. Il a eu Gilbert, il avait deux garçons. D'accord. Un qui s'est noyé, ah petit. Oui, en Val, à Laval. Et l'autre qui vient de mourir, là, maintenant. Ah, il avait 5 ans de moins, 99 ans. De moins que toi, ouais. 99. Ça sera cool, les Saint-Pierre. Ça fait une famille, voilà. Vous savez. Ah oui, c'est énorme. Et alors, jouer, c'était... Votre père, le nom de famille vient de votre du père, papa, ouais. Du papa. La mère, c'était Abafour. Papa, je rappelais Joué, bien sûr, Joué, comme oui. On l'appelle. Mais on ne les a pas du tout fréquentés, on ne les a jamais connus. La alors famille Joué, la notre, famille du papa. Les Joué, on n'en a jamais. Ah. Ah, oui. Il y avait le frère de papa, donc Joué, oui. Sa femme. Et ils ne nous ont pas... Ils n'ont jamais voulu nous connaître et on ne les connaissait pas non plus. Ben non. Je ne les ai jamais vus. Et qu'est-ce qu'on sait alors des Joués? Parce qu'on était protestants. Ah voilà, ils étaient catholiques. Ils étaient restés catholiques. Mon neveu est devenu curé. Et la fille de la sœur de papa est devenue bonne sœur. Oui, donc... C'était des catholiques avec des œillères. Oui, ben oui. Et dans une ville petite, voyez, on ne s'est jamais vu. Papa voyait son frère. Et oui, oui. Vous savez, à ce moment-là, les protestants, on était comme des... Pestiférés. Ah oui. Moi, j'avais une amie, elle avait mon âge. Hein. Je lui ai dit, il y a une fête au temple, vous voulez venir l'après-midi? Oh non, elle m'a dit, je n'irai pas. J'ai dit, vous êtes occupée? Elle m'a dit, oh non, mais je serai excommuniée. L'excommunication. Ça a changé. L'excommunication. Ça a changé, heureusement. Oui, ça censé quand même. Excommunication. Ouais, excommunication. Ouais. Ça censé. Maintenant, les toutes les religions. Hein. Et on était devenus protestants. On n'est pas des vieux protestants. Non, j'imagine. C'est mon grand-père, à Bafour, qui s'est fâché avec le curé. Et du jour au lendemain, il a fallu devenir protestant. Eh oui. Si bien que. Les enfants qui étaient allés avec les bonnes sœurs à l'école, elles sont toutes devenues institutrices laïques. Oui. Mais ils ont eu du chagrin au moment où il y a eu ce, séparation, ce transfert quand même. Ouais. Ça a été difficile. Et comment il s'appelait donc le grand-père qui s'est fâché avec le curé? Le grand... Oh, il était quelqu'un, mon grand-père. Comment il s'appelait? Lui, son prénom. On le craignait comme le son prénom, c'est quoi? Abafour, tu l'as pas le prénom. Le prénom du grand-père. Mon grand-père? Oui. Auguste Abafour, le terrible. Auguste le terrible. Auguste Abafour, c'est un nom de clown, quand même. Ah oui, carrément. Pourquoi vous le craignez? Auguste Abafour. Parce qu'il n'était pas drôle, hein? Il était dominant. Il était petit, c'est lui qui avait la canne-fusil et tout. Oui. Ah, et elle est où la canne-fusil? Oh, il nous touchait pas, il nous a jamais touché. Non. Ah. Ma grand-mère était une sainte femme, elle chantait des cantiques toute la journée. Ah oui. Et lui, alors c'était. Il était méchant. Il avait commencé avec rien, vous savez, rien du tout. Hein. Il avait même, je ne sais pas s'il savait lire ou écrire. Tandis que ma grand-mère avait toujours été chez les bonnes sœurs aussi. Donc elle avait suivi l'école bien. Je ne sais pas s'il y avait le certificat, mais en fait, elle était bien, ma grand-mère. Et lui, il était bizarre. Il a réussi pourtant. Hein. Mais il avait des gens à ses ordres. Il avait des gens sous ses ordres. Il faisait marcher une boutique ou quoi? Oh, mais il n'avait personne. Enfin, il n'avait personne. Qu'est-ce qu'il faisait? Comment je vais dire? Comment ça s'appelle ce métier? Comment il a réussi? Il a commencé comme mon grand-père. Oui, comment il a réussi? Il a commencé comme métier. Ils étaient à la campagne, sans doute, j'en sais rien, moi. Il allait ramasser des œufs. Et les... Au début, je parlais. Oui. À ce moment-là, on vendait les pots de lapin. Ah oui, il était chiffonnier, alors. Les pots de lapin, on les vendait. Il était chiffonnier. Les paysans les vendaient. Ouais. Il les faisait chercher, les vendait. Il ramassait des œufs. Les pots de lapin. Et de la volaille. Ouais, les plumes. Un petit commerce. Pour faire et puis ça a pris de l'ampleur. Il est arrivé la guerre de 14. Là, il a fait des affaires. D'accord. Donc, il avait une bonne tête de commerçant. Oui. Il faisait des marchés, il expédiait. Ma grand-mère tenait des comptes. Il était à Laval, alors. Et quand il a fini, ouais. Quand il a fini, il restait quand même 4 maisons et une à lui. Et oui. Il restait 4 maisons ou à Laval? Vous l'auriez entendu et vu, vous auriez cru que c'était un personnage... De important. Oui. Ils avaient une salle à manger avec une bibliothèque pleine de livres. Oui. Ma grand-mère, elle disait pas, je pense pas, enfin j'en sais rien. Ni lui, non. Mais mon grand-père. C'était sûrement pas. Il se donnait une attitude de. De lettré. De personnage. Oui, oui. Et ça lui allait bien. On sait bien le faire. Ce personnage. Ça lui allait bien. Il servait de personnage. Il avait réussi. Grâce à la guerre. Oui, même temps grâce à son intelligence, parce que il était intelligent, c'est pas parce qu'on n'a pas fait des études qu'on n'est pas intelligent. Il était intelligent sans instruction, mais il donnait l'impression de l'avoir, l'instruction. L'intelligence, c'est les définitions d'intelligence, c'est savoir s'adapter à toute situation. Voilà. Ça, c'est l'intelligence pour les microbes, notamment. C'est comme ça qu'on l'a défini par rapport à la vie. Une vie intelligente, c'est qu'elle sait s'adapter. Et donc, Auguste Abafour, c'est l'arrière-grand-père de Sylvain. Voilà, c'est ça. Donc, mon arrière-arrière-grand-père. Et l'arrière-grand-mère de Sylvain, comment elle s'appelle? Mon arrière-grand-mère? Oui, ton arrière-grand-mère. Ben, Abafour. Abafour, les prénoms, en fait. Ah, mais de sa mère? Ouais. Béas. Et elle était d'où? Ah, Béas. Mon arrière-grand-mère, je ne l'ai pas connue. Tu sais pas d'où elle vient? Pas connue, elle était morte. Béas, original, jolie. Et la famille Abafour au-dessus, on ne sait pas où. Elle tenait un petit commerce dans un tout petit village. Vous savez, ces petits commerces où il y a l'épicerie, un petit coin bistrot. Oui, il y avait une épicerie générale. Et c'était où? À Laval déjà? Non, à côté de Laval, pas très loin. Quoi, quand elle dit Laval, c'est vers Brignoles. À Laval, c'est une ville. Hein. Parce que à Laval, vers. Tu n'es jamais allé à Laval? Je suis passé. Brignoles, c'est où? Quand elle dit Laval, c'est où cette Laval? Le Laval, c'est entre Paris et Brest. Ok, c'est pas la même. D'accord. Non. C'est le Laval, Paris-Brest. Je peux mettre en photo. C'est pas loin d'Angers. Ça se rapproche d'Angers un peu, c'est le même esprit, c'était un peu bourgeois. Oui. Très calme, oui. Mais c'est peut-être un peu bourgeois, c'est le bon endroit pour faire des artisanaux, de l'artisanat et vendre les chapeaux peut-être. Toi, tu as commencé à faire des chapeaux donc à Laval? Bien sûr. Et les chapeaux, ils étaient intégrés aux coupes de cheveux. C'était pas juste une coiffe qu'on pose sur sa tête. On les faisait à la tête de la cliente. D'accord. Voilà. Parce qu'autour de Carcassonne, il y a beaucoup d'usines de chapeaux. C'était pas l'usine, on les faisait tout à la main. Tout à la main. Et en partant de feutre. En partant de feuilles de feutre, de ronds en feutre. Ah, ou de bonnets. Des formes de bois et des. Chaque année, ça changeait. Et il y avait des chapeaux. C'était quoi tes outils? Quoi, les matériaux étaient quoi? Par le feutre, sûrement. Cuir, feutre. Comme matériaux? Oui. Pour la chapeau. Des matériaux en bois. Oui, ça c'est les moules. Des moules de bois, des ronds, des carrés, des pointus. Après, vous avez fait les chapeaux quoi? Fourrure. D'autres pour les feutres, il fallait un moule chaud en fonte. Okay. Pour le feutre, pour le bien le moduler. Alors on mouillait les feutres et on les étirait, on les travaillait après à la main. D'accord. C'est un métier très intéressant. Moi je suis très très très curieux des chapeaux aussi. J'aime beaucoup les chapeaux. J'aime beaucoup fabriquer des choses avec mes mains. J'ai pas mal d'objets vu que je suis un peu autour du cirque. Je fabrique moi mon matériel pour jongler. Je comprends pas ce qu'il dit. La jonglerie, je fabrique du matériel de jonglage, moi, en auto-artisanat. Et du coup, je suis assez intéressé par toutes les techniques de fabrication artisanale. Et quand je suis partie, je les ai données à un monsieur qui faisait des musées de l'artisanat, qui... Mm-hmm. Des petits... Ouais. Très intéressant. Il est où, ce musée ? Sur la route de... Sur la route qui va à Muret. Mais je ne saurais pas me rappeler. C'est dans sur les monts de la Cône ? C'est vers la Cône, c'est dans le Tarn ? Non, c'est au-dessus de Muret, elle a dit. Muret ? Ah oui, non, c'est ici. Oui. C'est dans la Haute-Garonne, Muret. Oui, tout à fait, est-ce que c'est à côté de Muret, c'est au sud. Est-ce que tu as, jusqu'à quand tu as à continuer à aller à Brassac l'été pour être au frais ? C'était en quelle année que tu as arrêté ça ? Tu es allé à une ville qui s'appelle Brassac ? Pour prendre le frais l'été. Non, ça te dit rien ? Si, l'été, il y avait un hôtel à Brassac, de temps en temps. À Brassac, non ? Non, c'était... Il y avait quoi à Brassac ? La Guépie. La Guépie, qu'est-ce que c'est Tarn-et-Garonne, là ? Tarn-et-Garonne, la Guépie. Et mais moi, je suis presque sûr. Quand j'habitais dans le Tarn, tu étais venu... Été te voir dans le Tarn. Oui, avec les parents. Ouais. C'était compliqué pour y aller. Ah ben, un petit peu, il y avait de la piste. Une belle allée cavalière, quoi. Mais c'était un bel endroit, au Buguet. Ah, mais je sais pas... C'était au Buguet. C'était dans le Tarn. Ouais. Et Brassac, je sais pas, il y avait un grand hôtel, là. Tu n'as pas fait J'ai une pas saison habité ou deux Brassac. Je suis jamais allé à Brassac. Même pour un mois d'été, trois semaines Non. Mais écoute... Je me rappelle, moi, de quelle y était, donc je peux lui en parler. Tu te mets en colère pour lui dire l'information. Je ne me mets pas en colère. Je ne suis jamais allé à Brassac. Je suis trop en train de casser les trucs où la mayonnaise elle monte, parce que je suis très sensible et que ça m'agresse. Comment ça écrit Laval ? Laval. Je suis en train de lui parler. Comment ça écrit Laval ? B-A. Tu viens de me dire, il y a des pâtes des oreilles. L-A-V-A-L. C'est toi qui ça se dit du même côté. C'est le nom du département. Tu trouves que je suis la Mayenne. Mayenne. M-A-Y-E-2-N-E. En prenant le dessus sur la parole, juste en te disant si tu veux regarder où c'est. Je ne connais pas. C'est celui de Finlande. C'est pas loin d'Angers. Laval, Mayenne. Voilà. Ah, il y a un château et tout. Il y a un gros château. Laval est une ville de l'est-ouest de la France, située à environ 300 km à ouest de Paris. C'est ça. Chef-lieu du département de la Mayenne, en région du Pays de la Loire. Ah, la commune est là. 120e ville la plus peuplée au niveau national, avec pratiquement 50 000 habitants. Mm-hmm. Ben donc, c'est là il y a le château de Loire. Oui. Ben on ira la visiter parce que mais c'est une des châteaux de Laval est très beau. Le château de Laval lui-même est très beau. Parce que mon rêve, une de mes rêves réalisables, c'est visiter le château de la Loire. Ben oui. Mais là, chez nous, c'est pas. Non, c'est le c'est pas de vraiment Loire. Le château. Hein. Ah, mais enfin, c'est la Loire, elle s'écoule dans la mer. Après nous, c'est la Mayenne qui passe. La Mayenne, ouais. Mmh. Oui, Mayenne, c'est pas côtier. C'est une belle rivière, la rivière de la Mayenne, mais c'est pas la Loire. Elle se navigue ? Elle est navigable un peu, mais il y a le cousin qui s'est noyé quand même dedans. Ah oui. C'est navigable, mais c'est... Vous trouvez tout là-dessus, oui. Pas tout. En plus, il faut se méfier, se programmer par quelqu'un quand même. Oui, ça vous donne les châteaux là, ça vous dit quelque chose. Bien sûr. Mm. Il est parti. Ah, le château est parti. Il est parti. C'est les objets. Il n'est pas au bord de l'eau. Il est dans la ville. Alors, comment il est ce château de. C'est ça. C'est, C'est la château moi, de je la connais, Vallée. Le château de la Vallée. C'est bien ça. C'est bien ça. Quand on arrive, c'est formidable. Ça, la château, elle n'est pas bougée. C'est formidable. Ah, ça a l'air d'être joli. Énorme. Il y a le château. Après, ça doit être votre. Demande les greniers du château. En pleine. C'est les Gusson. C'est les Gusson. Un lion. Les Gusson, ça dit quoi? Un lion? C'est un lion rouge qui revient au-dessus du dos. Avec quoi? Un lion rouge qui va vers la gauche avec une queue au-dessus du dos. Mais je pense que c'est pas un vrai Gusson, ça, oui. Voici. Si, donc, sur un fond rouge. Les croches bleues et les dents bleues, la langue bleue. Voilà, c'est un lion or sur un fond pourpre avec les ongles cyan, je crois. En fait, c'est en héraldique que tu as des noms pour chaque couleur et chaque. C'est celui de Finlande, dont la capitale c'est Helsinki. Notre emblème c'est l'ours. Ah, l'ours. L'ours. Finlande c'est l'ours. Comme la France c'est la coque, nous c'est l'ours. Ça c'est sûr. Et j'ai un neveu qui vit au Danemark. Ah, ouais, bah, c'est pas bien loin. Ça fait partie de Scandinavie. Le petit-fils de mon frère. D'accord. Il a épousé une Danoise. Danoise. Et il vit là-bas. Il travaille dans un zoo. Oh. Intéressant. C'est son goût. Ah oui, oui. Il a toujours voulu s'approcher des animaux. T'as un cousin au zoo, Sylvain. Il est dans un zoo. Écoute. T'as un cousin dans un zoo. Oui, j'entends ce qu'elle dit. Vous vous prenez pour un naze, ça m'énerve. Ils se disputent. Mais oui. Oui, mais ça, c'est ça les pères et fils. C'est ça la famille. C'est ça l'amour, ça. Vous avez bon caractère. Si, c'est là. L'indifférence, c'est. Vous avez bon caractère. Ben, ça dépend. L'indifférence, il n'y a pas de l'amour. Mais dispute, c'est l'amour. C'est l'autre côté du. Je vais te dire quelque chose, Sylvain. La télépathie, ça n'existe pas. Alors, si tu crois que tu sais ce qui se passe dans nos têtes, eh bien, reçois tous les gros mots qui puissent s'imaginer parce que ça m'oppresse. Ah bon? Oui. Et pourquoi tu me dis des gros mots? Là, j'en ai dit aucun. Mais pourquoi tu voudrais me les dire? Mais parce que tu ne te rends pas compte. Quand tu mais dis. Non, vous, dis, vous pensez que. S'il n'a plus de violon, je peux prendre. S'il a un violon, il joue. Si, mais si, mais il n'a plus le violon. Sors ta violon, tu peux jouer un era. Oui, il faudrait jouer dehors. Tu veux que je joue? Dans la chambre, c'est peut-être pas le mieux. Dehors, on serait bien pour jouer. Il y a une cour de l'autre côté ou pas? Non, mais dans la chambre, c'est très bien. Elle a ça, 4 ans. Tu veux sortir? Moi, je veux pas sortir. Tu cherches le violon, tu joues doucement un peu. Prends les clés. Réfléchis à ce que toi tu as dit et comment moi je peux ne pas le recevoir. Écoute les enregistrements. J'aimerais, à vrai dire, j'aimerais bien lui enregistrer. Mais ça fait 3 mois que j'ai comme ça. Il sort des trucs, c'est dans la tête que j'ai jamais dit. Après, il m'infirme pendant des heures que j'ai moi qui l'a dit. Mais moi, j'en peux plus parfois. Mais c'est l'oppression mentale, moi j'appelle ça. Ah quand, oui, non, mais c'est pour ça que j'ai mal au cœur tout ça. Il est colérique? Non, c'est pas ça. Il prend très mal des choses qu'on lui dit. Et il sort avec des sons. Et après, bon, il les transfère dans sa tête et il te projette ça. Il transfère sur d'autres causes et. Il te projette ça. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est... Mais je pense que tout le monde le fait, moi je le fais aussi. On je fait pense. Tout, moi aussi. C'est une déformation. On déforme les choses, mais les choses petit à petit elles se remettent en place. Et il y a un moment où tout le monde voit une chose et où il y a une autre personne qui ne voit pas cette chose que tout le monde a fini par voir. Mmh. Et qui n'accepte pas ce diagnostic, entre guillemets, de tout le monde qui dit non. Et la personne continue à dire oui. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Mais c'est pas grave. Après, non, mais là, c'est pas. Moi, je travaille énormément là-dessus. Donc en fait, je ne le laisse pas passer. Parce qu'on peut aussi faire ce qu'il dit. T'as qu'à fermer tes oreilles et tu laisses passer. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour faire ça. Je suis d'accord avec toi, parce que moi aussi, je travaille beaucoup sur la même chose que toi depuis 1 an et demi avec un groupe de petits. Et du coup, je ne laisse plus passer les sauces. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce moi, que je suis pas d'accord qu'on se fermer les oreilles et subir. Je n'ai pas de patience. Oui, il faut la patience. La patience, elle peut s'appliquer dans certaines situations. Mmh. Mais quand tu es sur une situation qui dure dans le temps, tu peux pas dire la patience, sinon c'est dire accepter de subir. Mmh. Mais moi ça accepte plus subir quoi que ce soit. Après, si personne n'est dans un 3, ça accepte. Mais si je suis dans mon 3, il doit, bah, disons, j'espère un jour, il sera capable d'atteindre mon point de vue. Ça, parce que souvent, en plus, ce qui est problématique avec ça, c'est que quelqu'un qui va prendre mal, on va lui renvoyer des stigmates comme t'es égoïste, on va l'attaquer en fait. Par rapport à un truc, la personne va se faire retrouver à se faire attaquer. Mmh. Et donc, c'est par rapport à sa posture qui n'a pas été compris qu'elle s'est énervée. Et après, l'attaque, elle va croire qu'on l'attaque sur un truc que nous, de toute manière, on ne comprend pas. Donc, c'est nous les cons. C'est un peu plus compliqué que ça, je pense. Oui, mais ça va peut-être se calmer un peu. Il est dans une période très excitée aussi. Moi, je sais pas. Moi, c'est un autre homme que je n'ai jamais connu. Donc, j'ai un peu du mal. Ça a commencé à 8 novembre. C'est à fin septembre, on avait une période calme, jusqu'à octobre, super calme, bien, bonne harmonie, il était moins dépressif, il était plus entrepreneur. Et 8 novembre, arrivé l'Africain aussi. Ouais, beaucoup de fumée. Et ça a parti en live. Il ne faut pas les contrarier, c'est tout. Oui, mais attends. Il ne faut pas les contrarier, vous n'avez rien, vous n'arrivez à rien. Je le vois, il y a beaucoup de gens qui sont Alzheimer, vous savez. Oui. C'est pas la peine de les contrarier, ça les met dans une colère folle. J'en ai une à côté de moi, elle n'est pas complètement perdue. Enfin, étant aux trois quarts du chemin, je ne la contrarie plus. Mais... C'est pas la peine. Oui, c'est ce qu'il faudrait apprendre, juste laisser passer. Il ne faut pas lancer la contrariété. C'est terrible, les Alzheimer, c'est terrible. Parce que ça peut être fatigant, c'est terrible. Ça, c'est les troubles du sensement des mots et mémoire, c'est pas Alzheimer. On parle de synesthésie. Tu connais le mot synesthésie? La synesthésie. Qu'est-ce qu'il dit? Un mot technique qui parle du glissement, par exemple, d'une émotion à une couleur ou d'un mot pour une signification particulière. C'est des connexions, la synesthésie. Ça vient des synopsis. Synopsis, c'est un petit texte qui décrit ce qui se passe dans un grand déroulement. Synesthésie, non, mais ça vient c'est peut-être cette idée de raccourci. Oui, mais ça vient des systèmes neuronaux, l'origine des mots, synopsis. Synapse. Oui. Synapse, oui. Ça vient de là. Les gens qui sont dans cet état-là, qui font d'Alzheimer, c'est pas à peine de leur expliquer. Ce qu'ils ont dans la tête, ils le croient, c'est que t'as à côté de moi, ils travaillent. Du matin au soir, elle travaille. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Il faut entrer dans le jeu, vous voyez. Oui. Alors je dis, qu'est-ce que vous faites? Je suis gardienne. Oui. Une autre fois, elle vous dira, je pars ce soir parce que j'ai du travail. Qu'est-ce que vous faites? De la couture. Mais peut-être c'est de vraie vie. C'est pas la peine de leur expliquer, ils ne comprennent rien. Bon, on parle des Alzheimer, là, on ne parle pas de Sylvain, on peut lui expliquer à Sylvain. Mais c'est vrai, hein. Vous savez, ici, c'est un théâtre, hein. La vie, parce c'est que chacun théâtre. Des... On a tous les masques. C'est triste, vous savez, cette maladie, mais pour eux, ce n'est pas triste, hein. Ils ne sont pas tristes. C'est leur réalité. Ah oui, ils vivent dans leur... D'autres vous parleront que... qu'ils ont été voir leur mère, elles ont 90 ans, elles ont été voir leur mère. Elles le croient. Et peut-être qu'elles les voient même. Ils ne sont pas malheureux. Non, parce pas. Vous ne les voyez jamais pleurer ni se plaindre. Par contre, quand c'est bouillant, les choses, par exemple un potage bouillant, je dis faites attention, c'est chaud. Elle ne me répond pas. Hein. Elle mange chaud. Et c'est parce qu'elle mangeait. Elle peut manger très chaud. Et encore, elle n'est pas à la fin. Qu'est-ce que c'est que vous mangez du poisson? Je ne sais rien. Tout est parti, le goût, le... Mais ils s'inventent leur histoire et ils ne sont pas malheureux. Mais... Ils l'inventent quand même sur une base de choses de leur vie, non? les personnes atteintes d'Alzheimer, elles inventent ce qui leur arrive par rapport à des choses qu'elles ont connues quand même. De faire des bêtises? Non, c'est pas ça que je disais. Ce qu'elles disent, ça a un rapport avec ce qu'elles ont vécu dans le passé quand même? Ou vous pensez que la personne qui dit « je suis en train de coudre », enfin, ou « je garde un lieu », c'est peut-être que dans sa vie, elle cousait ou qu'elle gardait un lieu, non? Mais, oui, donc, elle travaillait dans un hôpital. Ouais. Elle n'était pas gardienne, elle était trop, je sais pas, employée de... Qu'elle m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai. Mais non. Ben moi, j'ai travaillé 3 mois dans un établissement où il y a personne souffrant de maladie d'Alzheimer. Suivant des mémoires de jeunesse, oui, sortent, qui remontent. C'est beaucoup plus facile, eux, à évoquer. Quand on fait des activités, on fait les chansons de leur jeunesse, les danses de leur jeunesse, parce que c'est la mémoire ancienne. Et vivent dans leur petite histoire. Mmh. Hein. Mmh. Mmh. Et ça sort normalement de leur passé. Donc, important de savoir l'histoire de vie pour pouvoir appuyer et trouver des sources pour pouvoir communiquer. Vous voyez, finir sa vie ici, c'est pas triste quand même. Non, c'est très vrai. Propre. Il n'y a jamais d'odeur, c'est beaucoup, oui. C'est très, très propre. Elles sont changées tout le temps, d'habits et de tout. Elles vont chez le coiffeur, elles sont frisées. Elles sont pas... Je pense qu'elles sont pas malheureuses. C'est l'entourage. Et vous, c'est vous qui maquillez, vous maquillez tout seul? Toujours. Tous les jours, tout seul. Depuis l'âge de 16 ans. Ça c'est une vraie femme. Je continue. Moi, fait un temps, je suis jamais sortie sans me maquiller. Ok. Et bien, je continue, même si je ne sors pas, je continue. Vous avez raison, c'est... Une manie. Manie. Moi, je me suis maquillée jusqu'à... Je ne saurais pas sortir, ça. Jusqu'à 58 ans. Quand je sors, je me suis toujours maquillée, mais comme Sylvain, il a dit que ce n'est pas la peine tout le temps maquiller, donc je suis un peu allégée, mais je mets quand même... Vous avez un joli teint. Rouge à lèvres, quand même. Merci. Puis vous êtes mignonne, vous êtes gentille. Merci. Ça dépend des sourds. Depuis 16 ans, toi, 16 ans jusqu'à 80. Marco, mal, c'est pas 7 jours. Ça fait presque 80 ans que vous vous maquillez. Oui, t'imagines. Ça fait de la pratique. Mais plus, ça, wow. Plus que ça. À 16 ans, elle a dit. Ah, oui. Ah, oui. Mais ça fait, ça fait presque 90 ans, presque. Parce que ça... 90 ans. Oui, presque. C'est tout seul, sans miroir. Et oui, il y a des artistes, quand même, heureusement, dans la vie. Alors, petite, attends, je te laisse la place pour artiste, jouer, parce que tu n'auras pas cette place. Eh bien, dis donc. Des artistes comme... C'est toujours le même qui dit. Oh non, il est pitou, celui-là. C'est un demi. Je fais presque le clown maintenant avec ça. Presque encore plus le clown que d'habitude. C'est moche. Mais il est grand pour un petit violon, hein. Pour un clown, il en faudrait un encore plus petit. Oui, il est un qui rentre dans la poche. Mais c'est toujours le même. Non, pas du tout. Non, celui d'arrière-grand-père, il m'a été volé. C'est celui de quel arrière-grand-père, du coup? Ben, de l'autre côté. C'est quoi un peu la généalogie de l'autre côté, tu connais? Donc, c'est que tu sais pas le dire. Non, mais c'est hors sujet. Non, moi je fais de la danse et de la jonglerie. Je jongle et je danse. C'est une cigale. Et vous? Moi, c'est l'heure actuelle, c'est fait les massages. Des massages? Les massages. Oui. Voilà. Sinon, avant ça, c'est faisait pendant 10 ans travail social. Et avant travail social, c'est. Bonne quinzaine d'années, j'ai travaillé en commerce, peinture, papier peint, décoration, revêtement, fenêtres. Avant ça, je faisais du lycée hôtelier et avant ça, je faisais esthéticienne. Ah, c'est plein de métiers. Et moi, j'ai fait un petit doudou pour mon violon. Tu vois. C'est moi qui le fais à la main. Je le fais à la main. J'ai les aiguilles et tout. Tu vois. C'est toi qui as cousu ça? Oui, bien. Bon, c'est pas beau, hein. C'est pas bien fait. Mais... Il y a même ton aiguille d'ailleurs. Oui, il y en a pas qu'une, il y a sa réserve. Elle est bien courte. On a fait ensemble les rideaux à Créfeil, il m'a aidé à coudre. Oui, j'aime bien coudre. c'est un bon truc. Comme mon frère est cousin. Ça, tu sais ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est, ça? Ça a rapport au violon. Prends-le dans la main. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une sourdine. Ça se met sur le chevalet. Pour que ça assourdisse le son du violon. Hein? Parce que le violon, ça fait du son fort. Regarde. Mais ah, il n'est pas très adapté. Bah là, après ce matin, là, c'est autres choses, donc tu peux jouer. Oui, je veux s'en sourdir. Oui, mais c'était pour montrer. Non, mais c'est celle. Moi, j'ai essayé d'en faire une à mon anniversaire. Comme d'habitude. De sourdine avec le. avec un ballon que j'ai mis autour du chevalet. Bah oui. Oui, quoi que tu mettes, en fait, si tu alourdis le chevalet. Ça fait une sourdine. Mais tu peux avoir un truc métallique. Une pince à linge normale même, non? Oui, la pince à linge, je l'utilise souvent. Ah oui, pince à linge, quand même. Oui, bah oui, pourquoi pas. L'ourdine, ça fait sourdine. Un peu de syras. Qu'est-ce que tu aimerais bien entendre comme musique? Quel genre de musique tu préfères? Ce que tu veux. Est-ce que tu sais siffler un air? T'entendrais. Un air que tu aurais dans la tête, siffle-nous-en, hein, s'il te plaît. Tu sais siffler? Tu sais, j'ai pas les goûts musiciens, moi. Non. Mais on peut toujours siffler un air. Hein. Même moi, si je sais pas chanter, je siffle un air. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. It's a glorious day. I'm happy again. I'm singing in the rain. Que vous aimiez, par exemple, écouter une air. Est-ce que tu as connu une époque où dans la rue on vendait des cahiers à chansons? On faisait. On vendait des cahiers à chansons, on pouvait acheter un cahier avec des chansons à pouvoir chanter. J'en ai entendu parler des cahiers à chansons, mais c'est quelque chose sur lequel je suis assez curieux. Ben, c'est-à-dire, tu peux trouver des collections de cahiers de chansons parce que, en fait, chaque enfant, il avait des cahiers de chansons. Mais moi, je parle de quelque chose qui était vendu dans la rue, vraiment, des gens qui se vendaient des chansons dans la rue. En tout cas, Finlande, ça existait. C'est récupéré celle de ma mère. Elle en a. Après, elle en a celle qu'elle a fait elle-même aussi. Mais ça, c'est mon préféré. Oui. Et c'est cool, ça doit. Ça existe. Ça doit exister aussi. Et c'est la copain, elle aimait écouter avec son chéri, par exemple, de moi. T'écoutes des CD? Tu écoutes de la musique des fois? Ou la radio? Tu écoutes la radio? Non. Des CD? Des disques? Non. Et avec votre amoureux, c'était quelle de votre chanson préférée avec votre? C'était quoi? Il y a une chanson que vous aimiez beaucoup avec votre compagnon. C'est bien tout ça. Mais et ça... Je me rappelle pas. Oh, tant pis. Thank you. truc un peu. Il y a longtemps que je l'ai pas joué. Bravissime. Merci. Ça te fatigue? Non. Non, ça m'éveille. Je peux passer toute la nuit à faire ça. J'ai un répertoire pour passer toute la nuit. Non, j'aime bien ça. Je vais te jouer un air Zigan que je joue plus souvent. Et ça, donc, c'était, tu sais, un truc de... L'Eurovision, ou je sais pas quoi, c'était le cinéma de minuit ou quoi, cette musique que j'ai fait tout à l'heure à la télé.